Chapitre 13e, La morte qui parle. Dans la petite maison des dames Baladier, c'est la nuit. Berthe est absente. Elle était appelée à veiller une voisine malade et ne rentrera qu'au matin. Julia l'a accompagnée. Dans sa chambre, Madame Baladier est seule. Elle ne dort pas. Une insurmontable angoisse la tient éveillée. Elle attendait de son fils la nouvelle de la mort de Fouinard. Elle n'a rien reçu. Que se passe-t-il? Et dans les ténèbres, elle tient ses yeux fixés devant elle, oppressée. Pourtant, elle se raidit contre l'impression qui l'étouffe. Est-ce qu'elle a peur? Elle? De qui? De quoi? De ce Fouinard maudit? Non, non, Gustave a dû le réduire au silence. Nul ne sait, nul ne saura jamais rien. Hein? Qu'est-ce qu'elle vient d'entendre? On dirait un gémissement. Allons donc, une illusion de l'oreille. Eh bien, est-ce qu'elle va avoir le cauchemar maintenant? Encore un soupir? Encore une plainte? Est-ce qu'elle devient folle? Cependant, une voix parle là, dans la chambre. Madame Baladier, ma tante. Elle frissonne, elle sent une sueur froide qui la glace. Qu'est-ce que ce point lumineux, blafard, qui peu à peu surgit des ténèbres, juste en face d'elle? Cela grandit peu à peu. Ah, voyons, elle n'est pas un enfant qui s'effraie de fantasmagories. C'est un rayon de lune qui traverse le volet et frappe le mur qu'elle regarde, dont elle ne peut détacher ses yeux. Mais la lune grandit, s'étend, fait auréole, et voici qu'au milieu quelque chose apparaît qui a une forme, un dessin, qui s'accentue, se précise. Une tête, un visage. Horreur, le visage de Lucille, de la morte. La Baladier se dresse à demi, se soutenant à peine, hagarde, haletante. Et voici que les lèvres de la morte s'agitent. Elle parle. Ma tante, pourquoi m'avez-vous assassinée? Moi, ce n'est pas vrai. Ma tante, pourquoi m'avez-vous percé le crâne d'un clou que vous avez enfoncé d'un coup de marteau? La misérable se tord, le visage convulsé. Non, non, mensonge, je n'ai pas tué. Ma tante, ne mentez plus. Assez d'un crime. Dites la vérité et je vous pardonnerai. Et tout à coup, la Baladier, comme prise d'une rage folle. « Ton pardon, est-ce que j'en veux? Eh bien oui, je t'ai tué. Pourquoi veux-tu voler la place de ma fille? Pourquoi veux-tu chercher à la dépouiller en faisant signer par ton mari imbécile un testament qui te donnait tout à toi? Ma tante, vous avez commis un crime horrible et lâche. Pourquoi donc me haïssez-vous? Pourquoi? Parce que je t'avais fait épouser un petit médicaillon sans réputation, sans fortune, alors que moi j'étais riche. » Et que Berthe devait l'être un jour. Il est arrivé ceci, que c'est moi qui t'ai ruiné, et que tu es devenu riche, et ma fille pauvre à jamais. Eh bien, c'est pour elle que je t'ai tué. J'ai fait mon devoir, oui, mon devoir de mère. Oui, je t'ai haï, haï jusqu'à te tuer, pour rendre à ma fille, à ma Berthe, la place qui lui appartenait, et que, par ma sottise, je lui ai enlevée. Sa vision s'accentuait, devenait plus nette. Il semblait à la misérable que ce visage s'approchait d'elle, allait la toucher. Et tout à coup, elle éclata d'un rire strident. « Oui, oui, j'ai tué, oui. J'ai enfoncé de mes mains un clou dans cette tête, et j'ai bien fait. Et s'il le fallait, je recommencerai. N'approche pas, visage maudit, je te hais. Tiens, je crache à toi, maudite, maudite !» Elle retomba en arrière, sur le dos, hurlante. La chambre s'éclaira. La vision disparut. Le docteur et Fouinard s'approchèrent du lit. La Baladier les regardait de ses yeux fixes, hagarde, effrayante. Elle se mit encore à rire, stupidement, avec d'effrayants hoquets, puis resta inerte, stupide, la lèvre pendante. « L'épreuve a été terrible, » dit le docteur. « La criminelle est devenue folle. » Le docteur Tozan avait dit vrai. Il fallut enfermer la malheureuse dans une maison de santé. Berthe ne sut jamais ce qui s'était passé et comment la tête de la morte, placée sur un meuble, éclairée par une lampe électrique dont Fouinard dirigeait les rayons, avait provoqué l'aveu sinistre et brisé l'énergie, la raison de cette femme. De cette femme qui, pendant près de 2 ans, avait simulé la paralysie pour pouvoir, sans être soupçonnée, exécuter son horrible forfait et qui, sans l'étonnante habileté du petit détective parisien, serait restée impunie. Gustave fut expédié comme il avait été convenu en Amérique avec un pécule qui lui aurait permis de se créer une situation, mais à peine arrivé à Rio de Janeiro, il perdit tout dans un tripot et dans une querelle sauvage fut tué d'un coup de couteau. Ainsi qu'il s'y était engagé, le docteur Tozan alla chez son ami le préfet de police et lui raconta les faits. Monsieur Larose l'écouta attentivement. « C'est bien, » dit-il. « La justice n'a pas à intervenir. Rendez à la terre la triste relique de votre amour passé. Et n'oubliez pas ce que vous a dit ce brave fouinard. Les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Dans un an, Berthe sera ma femme. » « Monsieur Fouinard, » dit le préfet au jeune homme qui l'avait appelé à son cabinet, « je vous remercie. Vous avez accompli, dans des conditions les plus extraordinaires, une œuvre de justice dont je vous suis profondément reconnaissant. Ah, que ne donnerais-je pas pour vous attacher à mes services ? Moi, fit Otto, m'enrégimenter dans la rousse ? Ah non, vous ne m'avez pas regardé. Aussi ne vous le proposais-je pas. Mais je désirais vivement pouvoir à l'occasion compter sur vous. Et tenez, j'ai là un dossier, effrayant, que je vous prie, vous entendez bien, de vouloir bien examiner. La sûreté est impuissante et Paris s'émeut. Découvrir le ou les criminels serait rendre à la société un véritable service. « Donnez, » fit simplement Fouinard, « on verra. » « Ah, à propos, le docteur Tozan m'avait remis 1 000 francs pour les frais. Voilà ce que j'ai dépensé. Costume complet, 77 francs. Il y a là-dedans le chapeau et les bottines. 100 francs à un champ de vin pour service particulier. Puis, pour voiture, menu frais, 11 francs 40. Total, 188 francs 40 centimes. C'est le docteur lui-même qui a remis à Gustave Baladier l'argent de son voyage et le viatique convenu. Donc sur les 1 000 francs, il reste 812 francs que je vous prie de lui remettre. « Très bien, » fit le préfet en souriant. « Je vais vous en donner un reçu. » Il prit un papier dans son tiroir, se pencha, fit jouer sa plume et le glissant dans une enveloppe, le remit à Fouinard qui, sans plus d'émoi, le glissa dans sa poche de côté. Maintenant que les comptes sont réglés, ne manquez pas de lire le dossier le plus tôt possible. J'attends votre décision avec la plus grande impatience. Téléphonez-moi à mon cabinet. Mon numéro personnel, 288-65. Prenez en note. Merci encore, mon excellent, mon aimable, monsieur Fouinard, et à bientôt. Fouinard était enchanté. Cette merveilleuse réussite le rendait un peu fier et en même temps surexcitait sa passion du mystère. Oui, mais... et manger. Voyez-vous, il faudrait pour bien faire avoir un petit capital, car ça entraîne des dépenses, et pendant qu'on fait ça, on ne gagne pas de pépettes. Le soir, en se couchant, Fouinard posa sur sa table le dossier que le préfet lui avait remis. Puis il vida ses poches, il y trouva l'enveloppe que M. Larose lui avait remise. Elle contenait un billet. « Monsieur Fouinard, ou plutôt mon ami, je vous supplie d'accepter ce que vous trouverez 6 juin. Le service que vous m'avez rendu est inestimable. » Et ne pensez pas que je me trouve quitte envers vous. Laissez-moi espérer que lorsque ces douloureux souvenirs seront effacés, vous resterez mon ami comme je suis le vôtre, dans toute la sincérité de mon cœur. Docteur Tozan. Fouinard ouvrit le billet. Il contenait un chèque de 20 000 francs. Tonnerre de chien ! Cria-t-il. Est-ce que le bonhomme se fiche de moi ? Cependant, il consulta Justine qui lui dit à la muette : Mon petit Toto, pas de sottises. Tu le lisais toi-même. « Sans argent, on ne peut rien faire. Ce sera ton petit capital de justicier. Ne fais pas la tête, par vanité. » Écris un mot de remerciement et continue à être un brave homme qui essaye de faire le bien, mais qui ne peut pas mourir de faim. Non plus que ceux qui l'aident, Michel et la petite Susan. Et Toto commence à croire que Justine avait raison. Machinalement, il ouvrit le dossier qui était sous sa main et il vit ce titre en grosses lettres, « Le tueur d'enfants ». Il se mit à lire fiévreusement. Ainsi s'achève Un clou dans un crâne, une aventure de Toto Fouinard, le petit détective parisien, par Jules Lhermina.